Chapitre 11e, le repas des serpents. Paulin Broquet aurait pu, au lieu de se rendre directement à la villa mystérieuse, comme l'y conviait le billet douteux de Miss Eden, passer au cirque moderne et demander à la gymnaste si le billet était de sa main. Ainsi, il eût su à quoi s'en tenir certainement, et il déjouait absolument le plan de ses ennemis. « Il est même étonnant, se dit-il, qu'il n'ait pas pensé à cela en m'envoyant ce mot. Il faut donc qu'ils aient compté sur ma crédulité, ma naïveté, ma témérité ou mon amitié. » Donc, Paulin Broquet, en allant à la villa, savait qu'il allait au-devant d'un péril. Or, si un homme ordinaire étant averti en vaut deux, combien valait un homme comme Paulin Broquet dans les mêmes conditions? Gabriel, en entendant son chef déclarer fermement qu'il irait à ce singulier rendez-vous, fut pris d'inquiétude. Mais il n'osa présenter aucune objection. Il savait que cela était tout à fait inutile. Toute son anxiété cessa quand Paulin Broquet lui dit « Je vais au rendez-vous, mais nous allons tout préparer pour ne pas laisser aux autres la gloire d'un succès absolu. Mon garçon, à présent, les événements nous bousculent, le temps presse, je n'ai plus le droit de commettre des folies. » Il prépara donc très consciencieusement cette expédition imprévue. À l'heure indiquée, il se rendit à la villa mystérieuse, mais les précautions étaient bien prises. Il n'y avait plus à redouter que le piège tendu, et il saurait bien y faire face. Big, le nègre colosse, attendait sa venue à la porte grillée, comme chaque fois que Miss Eden lui avait donné rendez-vous à la villa. Paulin Broquet suivit donc Big à travers les allées du parc. Il le suivait à un pas de distance, mettant le pied là où Big avait posé le sien. Bien que sous les arbres centenaires, la brise ne fût aucunement forte, Paulin Broquet, ayant relevé le col de son pardessus pour masquer le blanc du col de sa chemise pouvant faire cible, tenait de la main gauche le bord de son chapeau et baissait un peu la tête comme on fait quand dans la rue le vent souffle violemment. Paulin Broquet savait que de cette façon il se garantissait de l'enveloppement d'un lasso qu'on aurait pu lui jeter. Il échappait à l'étranglement et de la main gauche il garantissait sa gorge. De la droite, il pouvait couper le lasso. Dans la poche, en effet, il tenait ouvert un couteau ayant un fil de rasoir et sous ses doigts, il sentait en outre la crosse de son revolver. Ainsi, suivant Big, il arriva à la villa. Généralement, Big introduisait le détective dans la maison immédiatement par la porte de devant. Cette fois, il le conduisit au jardin d'hiver, au pavillon de cristal, où, parmi les fleurs précieuses, les plantes des tropiques, vivaient les serpents corail, suspendus aux branches frêles, et les énormes boas que Miss Eden appelait ses gardes du corps qui devaient rendre inviolable sa maison. Big ouvrit la porte de cristal et s'effaça pour laisser passer le visiteur. Paulin Broquet, par cette porte ouverte, reçut aussitôt une bouffée d'air chaud qui lui indiqua que dans la serre régnait la température tropicale dont les serpents ont besoin pour recouvrer leur appétit féroce, leur force, leur vivacité que le froid a engourdi. Il se rappela que Miss Eden, quand elle redoutait un danger, faisait ainsi chauffer la serre pour s'y réfugier et chercher une défense parmi ces terribles serpents. En toute autre circonstance, il ne s'en fut pas étonné, mais ce soir il se tenait en méfiance. Une seule lampe électrique brillait au bout du pavillon de cristal, répandant des lueurs que les branches d'arbres atténuaient considérablement. Paulin Broquet pénétra néanmoins dans la serre surchauffée, et il attendit que Big, l'ayant laissé passer devant lui, à son tour entra dans le pavillon pour le précéder à nouveau et le conduire jusqu'à la porte aux trois marches de marbre qui menaient à la maison. Mais Big ne rentra pas dans le pavillon de cristal, il resta dehors. Et tout à coup, la porte de cristal, cette porte que lors de sa première tentative, Paulin Broquet n'avait pu forcer, violemment se ferma. « Bon, » fit le détective avec calme, « me voilà prisonnier. » Aussitôt, il devina quel piège lui avait préparé ceux dont Big le traître s'était fait le messager. « Ils veulent me faire servir au repas des serpents, » se dit-il, « les misérables. » Alors, il ne s'aventura pas plus loin. Prudemment, il se tint le plus près possible de la porte de cristal, qui venait de lui donner passage et que derrière lui on avait fermé brusquement. Par la porte, un peu de froid était en même temps que lui venu du jardin, et les serpents excessivement frileux s'en écartaient. Tant que la chaleur n'aurait pas regagné cette partie de la serre, tant qu'elle serait froide comparativement au reste du pavillon, Paulin Broquet, dans cet espace restreint, se trouverait en sûreté. Mais la place était petite et la chaleur gagnait rapidement. Ce n'était donc que quelques minutes de répit que Paulin Broquet aurait, avant de tomber dans l'épouvantable supplice dont autrefois il avait eu comme un avant-goût. Lutter contre les serpents, il savait que cela était inutile. Si fort qu'il fût, il ne pourrait jamais se détacher de leur enlacement. Dans leur étreinte, il serait lentement pris, broyé. Tout son corps devait être brisé, tordu, réduit en bouillie, puis couvert de bave et avalé petit à petit. C'était atroce comme trépas. Maintenant, Paulin Broquet voyait luire les yeux phosphorescents des boas qu'il avait sentis comme un régal offert à leur estomac à jeun depuis des mois. Il voyait les masses énormes onduler de son côté, sous les plantes, faisant craquer le gravier des allées et glissant peu à peu, avançant vers lui avec la chaleur qui revenait. Quelques minutes encore, et le plus affamé des boas toucherait enfin sa proie. Atteindrait Paulin Broquet.